délital, l'introspective, créatif, pas inventif. Sans maîtrise, me nourris de ses rimes émotives. En guise d'expertise, j'analyse mes hantises. Et en fait, je fais de mes vices un petit bise instructif. Je me canalise sous cannabis requise et la psychanalyse m'est négative. Faut faire preuve de pragmatisme. J'écris, sentimentalisme et dérive. C'est comme ça que j'esquive et que je garde une place assise. C'est en public, je fais ma lessive concise mais indécise. Bah oui, pleine de contradictions indescriptibles. Car je suis génératrice de ce que certains génératrices. Oh, provocatrice parce que je m'en fous de leur délire sexiste. Dilettantiste, moi, j'arrive à l'improviste. Je précise dans mon dictionnaire ni exotisme ni érotisme. Incomprise, je fais preuve de civisme. Je résiste, je reste actrice dans un empire égoïste. Et si je fais un fusible, dis-moi, c'est risible. T'inquiète, impassible, je sais quel est mon leitmotiv. Dans mes prérogatives, mes actions sont imprévisibles. Expressives, tu liras dans mes yeux que je suis excessive. Énonciatrice d'une vision sans raccourci. J'archive des lyrics, moi je fais pas de vocalise. Incorrigible, je fais des textes jusqu'au boutiste. Répulsive de cette vie régressive et nuisible. Répréhensible, comme le système éducatif. Inoffensive, il semblerait que je sois devenue craintive. Même pas je me prive de faire preuve de charisme. Et puis je délie ces rimes de manière instinctive. Addictive, d'une musique abrasive. Livre des extraits sensibles pour pas rester passive. Je reste sur le qui-vive, active. Je réalise que transgressive sera ma lutte jusqu'à mon dernier soupir. Délicat.